faneca. Belek sur le rinté, tu peux te faire fouca par un mecca. T'es bizarre mais gros quoi, tu me remets pas. J'espère pour toi que tu portes un gilet papa. Je crois que ce soir un négro faneca. Belek sur le rinté, tu peux te faire fouca par un mecca. T'es bizarre mais gros quoi, tu me remets pas. J'espère pour toi que tu portes un gilet papa. Deux négros sur un scout, quatre négros dans un hall. On dit que l'un d'eux était plus parano que les autres. Au bruit du gros cube, il prit les jambes à son cou. Ses poteaux figés, un pack de balles sur le mur. Il finit dans l'escalier du palier du sixième étage. Frappe à la porte de la belle-sœur de son pote Omar. Plein de sueur, remarque qu'il a failli perdre la vie. Mais ce soir-là, l'ange de la mort ne l'avait pas choisi. Zétran et le train de vie dans la zone à risque. N'hésite pas à courir dans les mecs en cagoule arrive. L'oreille collée à la teuport du tum-tum. Les boum-boum de son cœur nous font le bruit du tam tam. Combien de fois j'ai dit soirée glow tu vas durer. Il est trop tard, les bruits de pas approchent à vitesse grand V. Fallait bien réfléchir avant de décider de rodka. Fallait bien réfléchir avant de toucher celle qui ne faut pas. Je crois que ce soir un négro va neka. Belek sur le rinté, tu peux te faire fouca par un mecca. T'es bizarre négro quoi, tu me remets pas. J'espère pour toi que tu portes un gilet papa. Je crois que ce soir un négro va neka. Belek sur le rinté, tu peux te faire fouca par un mecca. Bizarre négro quoi, tu me remets pas. J'espère pour toi que tu portes un gilet pare-balles. Retour d'une pige en arrière pour comprendre un tel drame. Pour comprendre la genèse d'une envie de meurtre sur un man. Le zinc de son pote Omar avait du pilon à plus grave. Le filon n'était pas bidon, bien sûr qu'il était fiable. Renoir d'apparence réglo qui traîne avec le beurre. L'American Dream qu'il croit atteindre avec du seum. Un truc j'aime se profilait un jour en allant charger. Il croisa une belle brune avec un corps surchargé. Appelons ça le coup de foudre, celui du premier rendez-vous. Vous, qu'il négocie un jour en faisant ses courses à Carrefour. C'est une folle histoire d'amour qu'il naquit entre eux. Sauf qu'il fallait faire l'ekba à l'intelligence du gueuche. Un gros bête de soirée à la vie de ma mère. Quelle soirée, quelle meuf. Une soirée, une meuf de ouf. Moi jamais vous m'emmenez avec vous les gars. Toi tu veux bouger avec nous toi. Clochard, toxicomane, allez vas-y partage. HM avec toi cousin. Mais moi ma soeur sort pas avec l'autre non. Quoi? Je crois que ce soir un négro va neka. Belek sur le rinté, tu peux te faire fouca par un mecca. T'es bizarre négro quoi, tu me remets pas. J'espère pour toi que tu portes un gilet pare-balles. Je crois que ce soir un négro va neka. Belek sur le rinté, tu peux te faire fouca par un mecca. T'es bizarre négro quoi, tu me remets pas. J'espère pour toi que tu portes un gilet pare-balles. La belle brune c'est la sœur du zinco de mon pote Omar. Surnommé la présidente dans tous les checkers. Oh, ces derniers temps je le sens froid. Comme le 357 caché dans son placard. Relation secrète au cœur du jardin d'Éden. Pour moi personne savait, du moins c'est ce que je croyais. Mais les affaires tournaient, ouais. Comme d'habitude, les decks on les emmerde, ouais. Comme d'habitude, fermons cette parenthèse et revenons dans le feu. Le jour où j'ai pris cette rodka de 30 kills de seum. C'était l'occasion pour le zinc de faire la brutie. De rentrer en mode arnaque, crime et gros brolique. Il me prend pour un incapable. Pourtant j'ai payé les trois quarts de la perte au cul du camtar. Ça m'a coûté chéros le prix de toute une vie. Dépêche-toi de mourir et laisse ma sœur tranquille. Il sait que je la respecte mais là c'en est trop. Tu peux garder la pêche pour revoir le reste du CEO. Hey, il est où? Il est où ta sœur fils de pute? Hey, sœur! Pourquoi je suis là mon pote? Avec ma sœur, enculé de ta race! Hey, vas-y! Mets-toi à genoux! Ferme ta gueule! Et toi, ferme ta gueule! Mets-toi à genoux! À genoux, fils de pute, à genoux! Qu'est-ce que tu sors des proliques, mon frère? T'es un ouf ou quoi? Tu vas voir, c'est qui le fou! Je crois que ce soir, un négro va neka. Belek sur le rinté, tu peux te faire fouca par un mecca. T'es bizarre, négro, quoi? Tu me remets pas. J'espère pour toi que tu portes un gilet pare-balles. Je crois que ce soir, un négro va neka. Belek sur le rinté, tu peux te faire fouca par un mecca. T'es bizarre, négro, quoi? Tu me remets pas. J'espère pour toi que tu portes un gilet pare-balles.